Alors, ce deuxième dimanche de carême, on va poursuivre la série commencée la semaine passée, donc par le Père Brice. Donc, 7 clés pour une vie renouvelée. Donc, 7 clés pour détacher 7 chaînes qui nous retiennent, qui briment notre liberté. La semaine passée, donc, le Père Brice a parlé de la chaîne de l'orgueil et de la clé de l'humilité. Donc, ceux qui malheureusement n'étaient pas là, vous pouvez aller voir sur le site internet, les homélies sont enregistrées. Son homélie avait été très claire, très appréciée. Aujourd'hui, on va aborder 2 chaînes, donc il va falloir que je me dépêche. Et on va essayer de donner aussi justement les clés pour ces 2 chaînes-là, pour s'en défaire. Donc, ces 2 chaînes d'aujourd'hui qu'on va essayer de se détacher, c'est celle, donc, encore une fois, dans les 7 péchés capitaux, c'est la chaîne de l'avarice et la chaîne de l'envie et de la jalousie. On va essayer de se détacher de ces 2 mauvaises habitudes-là, celle de l'avarice et de la jalousie. La première lecture nous donne déjà quelque chose d'intéressant pour méditer sur cette fameuse question de l'avarice. Parce que pourquoi l'avarice, c'est quoi? C'est s'attacher à toutes sortes de biens et vouloir les retenir pour soi. Vous connaissez peut-être, en tout cas au moins les plus anciens, là, mais au Québec, il y avait eu une série qui est très populaire avec un dénommé Séraphin. D'ailleurs, l'expression est restée, être Séraphin, être gratteux. Donc, qui incarne un peu ce vice-là, d'une certaine façon. Mais ici, notre texte, nous, de la Genèse, Dieu demande quelque chose d'étonnant à Abraham. Il lui a promis une descendance nombreuse, et que ça passerait par son fils. Puis ensuite, il lui demande, « Es-tu prêt à venir sur la montagne, m'offrir ton fils en sacrifice? » Et évidemment, Abraham n'a pas dû comprendre grand-chose, là. Mais derrière tout ça, c'est toute la question du détachement. Est-ce que ce que j'ai de plus précieux, je suis prêt, même ça, à m'en départir pour le donner à Dieu? C'est une grande question. Donc, l'avarice, au fond, il faut faire attention. Évidemment, ça concerne l'argent, mais pas juste l'argent, les biens matériels et aussi des fois des biens plus spirituels. Mais il ne faut pas confondre l'avarice avec un désir naturel de propriété privée, entre autres. Hein, la propriété privée n'est pas mauvaise en elle-même. Et le problème, c'est la démesure. Hein, c'est la démesure, même dans l'argent, c'est un bon moyen, mais d'une certaine façon, c'est un mauvais maître. Donc, il faut s'en servir toujours comme moyen seulement. Alors, encore une fois, c'est pas tant la possession de l'argent, il n'y a pas de problème à posséder de l'argent, mais d'en faire un mauvais usage, un usage que pour soi, c'est là que ça pose des difficultés. Comme je disais, il y a 2 formes principales d'avarice. Il y a une forme qui concerne directement l'argent ou les biens matériels. On peut vouloir empiler, puis comme inquiet de jamais en avoir assez. Mais comme je dis, ça vaut aussi pour les biens matériels. Donc, on peut se mettre à cumuler, on peut avoir une passion pour les meubles et avoir des meubles, mais ça, évidemment, heureusement, il y a une limite dans une maison. On peut pas cumuler beaucoup, mais d'autres, ça peut être, des souliers à n'en plus finir ou des robes à n'en plus finir etc. Donc je vous laisse imaginer ce que des fois on pourrait avoir tendance à accumuler, même des livres à n'en plus finir. Des fois il peut y avoir une certaine avarice qui s'installe là. Avarice spirituelle, à quoi ça pourrait ressembler? En fait, c'est un attachement à ce qui est pas matériel mais que je choisis d'utiliser mais pour moi et pour moi seul. Par exemple, mon temps. Hein, c'est mon temps, c'est à moi, j'en ai besoin, puis je fais mes choses avec ça. Alors, ou je pourrais utiliser aussi, il pourrait y avoir comme des petits relents d'avarice dans un attachement au service. Hein, on est dans toutes sortes d'associations, toutes sortes de bénévolats, ici ou ailleurs. Mais je peux m'attacher, encore une fois, de façon un peu désordonnée, puis dire, ben ça c'est mes affaires, c'est mon service, puis c'est à moi, puis touchez-y pas. Et Pascal Hyde, qui travaille beaucoup toutes ces questions-là, dit, ben, pour se défaire de ça, pourquoi ne pas prendre l'habitude, entre autres sur cette attache spécifique au service, de remettre aux responsables concernés, dire ben, à chaque année, je suis disponible, mais en même temps, si tu penses que tu préfères que ce soit quelqu'un d'autre ou que je serve ailleurs, je suis ouvert à autre chose. Mais pas s'attacher. En fait, encore une fois, toute la question de l'avarice, c'est vraiment lié à la question de l'attachement où on s'agrippe. Encore une fois, s'attacher à un bien, c'est pas mauvais en soi, mais s'y agripper de façon désordonnée au point que ça peut nuire à ma marche vers Dieu ou nuire au partage auquel je suis appelé, là, ça devient un peu plus compromettant. Voilà, donc comment faire pour reconnaître est-ce que j'ai de l'avarice ou pas en moi? Ben, on peut se poser la question, est-ce que j'ai toujours une crainte d'en avoir assez? Est-ce que j'ai peur tout le temps d'en manquer? Ou est-ce que j'ai comme une soif de toujours en avoir plus, hein, que ce soit de l'argent, mais comme je dis, c'est toujours en avoir plus de d'autres choses là. Ah tiens, c'est en spécial cette semaine, les fameuses chaussures. Ben, je vais en avoir une autre paire, je vais les mettre à côté de ma 18e paire ou les autres choses. Donc, est-ce qu'il y a un désir d'en avoir toujours plus ou une peur, encore une fois, une anxiété, une peur de manquer? Il y a le proverbe dans la Bible, dans le livre des Proverbes, il y a un proverbe qui dit « Attention, ne te fatigue pas à acquérir la richesse. Cesse d'y appliquer ton intelligence. » Ça prend un peu de bien pour vivre, évidemment, mais faut pas que toute notre intelligence, notre capacité de raisonner soit juste focussée sur cet aspect-là, parce qu'encore une fois, il faut plus s'occuper de la fin, hein, du but que du moyen. Or, l'argent, c'est quelque chose de l'ordre du moyen. Donc, il faut plus s'occuper du but qui est d'avoir c'est plus de l'ordre de la vie relationnelle, mon amitié avec Dieu, mes bonnes ententes avec les autres. Voilà. Donc, comment se défaire un peu de cette vilaine habitude de l'avarice? Je vous donne 7 petits moyens. 7 petits moyens. Alors, premier moyen pour se débarrasser de l'avarice, pratiquer la sobriété, hein, apprendre à être content avec peu de biens. Il y a un de mes professeurs de philo qui disait « On est riche des besoins qu'on n'a pas. » Si j'ai pas besoin de 2 cellulaires pour être heureux, de 3 Nintendo, de la dernière version du iPhone, etc. Mais finalement, apprendre à être sobre, avoir une vie de, même si j'ai pas tous les choses dernier cru, être capable d'être heureux dans cette condition-là. Deuxième petit remède, spécialement par rapport à l'argent, hein, l'argent où j'ai toujours envie d'en ramasser plus, de travailler plus, ben apprenons à honorer le repos du dimanche, hein, donc et les jours de repos en général, là, pas se dire ben hey, si je travaille un peu plus, je vais avoir 100 pièces de plus sur ma paye. Apprendre à dire ok, il y a 6 jours pour travailler, super, mais le jour, dans l'esprit de la logique du repos du sabbat ou du repos du dimanche, c'est quoi? C'est de dire attention. Je prends du temps pour les personnes, hein, pour les personnes. Je peux aller visiter des malades, je peux moi-même appeler ma famille, passer du temps avec des amis, prendre du temps pour prier. Mais donc, apprendre à respecter les jours de repos auxquels Dieu nous appelle. Sinon, on tombe comme dans une frénésie de « je travaille plus, je vais ramasser plus, mais je vais dépenser plus aussi ». Et à un moment donné, ça pue debout. C'est un peu le cercle vicieux de la société de consommation. Un autre remède, avoir la confiance du ruisseau. C'est quoi, savoir la confiance du ruisseau? Un ruisseau, là, toute l'eau qu'il reçoit, il la donne. Il n'a pas peur d'en manquer. Pourquoi? Il sait que la source va en donner d'autres après. Ben, d'une certaine façon, nous-mêmes, ayons cette confiance-là dans la providence que je peux partager un peu de ce que j'ai, là. Le Seigneur va en donner d'autres demain puis la semaine prochaine. Donc, demandons, oui, Seigneur, donne-moi la confiance du ruisseau. Quatrième petit remède, se rappeler d'un principe, hein, c'est un principe de doctrine sociale là, que nous donne l'Église. Les biens sont destinés à tous. Le principe de la destination universelle des biens, ce que j'ai, oui, la propriété, c'est légitime, et en même temps, c'est pas juste pour moi. Le bon Dieu a mis assez de biens sur la terre pour tout le monde. Et le problème de la pauvreté dans le monde, c'est pas un problème de manque de ressources. Il y en a assez sur la terre. C'est un problème de répartition des ressources. Donc, demandons la grâce à Dieu de jamais oublier que si j'ai la grâce d'être intelligent, d'être même un chef d'entreprise, d'être capable d'accumuler beaucoup, c'est parce que le Seigneur veut aussi que j'ai cette sagesse de redistribuer beaucoup, de donner des emplois à des personnes, de faire des œuvres de charité, très bien, mais je suis pas l'ultime et le seul destinataire des biens que je possède. Je suis appelé à en être un bon gestionnaire. Donc, cinquième remède, ensuite, pratiquer la générosité. Hein, s'exercer très concrètement à la générosité. Dans la Bible, on dit « Donnez, l'on vous donnera. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Donc, s'exercer à donner, et à donner particulièrement aux démunis. Hein, Jésus dit « Quand tu donnes, quand tu fais un festin, une fête, invite pas juste ceux qui vont pouvoir te redonner, invite ceux qui pourront pas te redonner. » Et quand je fais des dons, pareil, je ne fais pas juste donner à des gens que je sais qu'ils vont me redonner, mais je suis capable de faire des dons où ben, c'est un